le générique de Talent d'ici pour vous rappeler que chaque semaine, quand ce n'est pas moi, c'est Pierre, on reçoit les groupes du Grand Est. Et là, on est allé très très loin les chercher. Antoine d'un côté. Bonjour Antoine. Bonjour David. Ton nom est Kamal. Exactement, Antoine Kamal. Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec ton nom. Ah, tu peux dire Antoine Kamal, Kamalou. Il y a pas mal de choses à faire, faut chercher un petit peu. Mais Kamel aussi. Kamel, effectivement. Ouais. Tamalou le Wally. Wally, Kamel Wally. On me l'a jamais fait celle-ci, mais ouais, pourquoi pas. Il faut laisser l'imagination créer des choses nouvelles. Antoine, accompagné d'un ami à Robin Verduzen, qu'on a reçu, bah oui, il n'y a pas longtemps, c'est ça? C'est vrai, ouais. Yannick Muller. Oui, c'est ça, exactement. Muller. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick. Ça va bien? Bah, très bien, on est bien ici. Alors, vous avez créé un groupe qui s'appelle AYA. Exactement. Ça s'écrit A2YA. Exactement. C'est quoi? C'est un diminutif? C'est un cri du cœur? C'est rien. Oui, non, qui à un moment a dit on va s'appeler AYA? Eh bien, en fait, on cherchait des noms de base et finalement, on est allé au plus simple. Mm-hmm. Quels sont nos prénoms? D'accord, Antoine et Yannick. Voilà, c'est nos initiales. C'est nos initiales et puis on a fait un miroir après AY, YA, simplement, voilà, efficace. Ah oui, bah oui. Pas aller chercher plus loin. Voilà. AYA, ça existe depuis quand? Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a monté le projet. Donc ça nous fait quoi ça, 2016 Début 2017. Et vous étiez tous les deux dans des groupes différents à l'époque et vous avez eu l'occasion de vous retrouver comment? C'est ça, bon, on avait déjà joué avec Yannick sur d'autres projets. Moi j'ai pu faire du remplacement à la batterie sur des projets dans lesquels il était déjà. Puis on est du même patelin, on vient d'Aïcourt. On se connaissait un petit peu, des potes en commun. Et au bout d'un moment on s'est dit on va monter un projet tous les deux, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est assez spécifique, c'est de la musique sans parole. Ouais, c'est instrumental, ouais, c'est ça. C'est de l'instrumental. Du rock instrumental. Pourquoi vous avez des voix de... Ah mais pas du tout en plus, hein. Antoine chante très bien. C'est gentil, Yannick, merci. Vous avez des voix de merde ou pas? Non, c'est qu'on n'a rien à raconter. Ah, c'est ça. Voilà. Non, et puis on avait aussi envie de s'exprimer sans forcément avoir de chanteur avec le groupe. On peut lancer pas mal d'images et faire du voyage juste avec de l'instrumental. C'est un petit peu l'objectif aussi du groupe. Alors toi, Antoine, toi c'est batterie. Batterie, ouais. Batterie et synthé. Et toi, Yannick? Guitare. On va l'écouter. Premier titre, ça s'appelle... Cronde, ouais. Bien, les gars. Exactement, c'est écrit de... Merci à vous. We'll be right back. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Aya avec un titre qu'on a écouté qui s'appelle Cronde, qui fait partie du nouvel EP. Qui est sorti en septembre. Effectivement, l'album, l'EP s'appelle Feuille. C'est ça, exactement. Trop fort, hein. Là, carrément, c'est double vitrage, magnifique. Ah, c'est un beau, on est superbe. On est fiers de ça. Ouais. Qui fait la partie graphique Ah, c'est une amie. Alors pour Antoine. Le coup, pour cette EP là, c'est Elsa Iglesias qui a fait ce visuel là. D'accord. Voilà, on trouvait que ça correspondait bien à l'idée et aux couleurs des sons qui sont dans l'EP. C'est-à-dire des fils un peu barrés dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Il y a des petits fils comme ça, tu sais, fait avec des trucs de bouchons, tu sais, de bouteilles. D'accord. Ah oui, des bouteilles de champagne. Ouais, je pense, ou de vin. Ouais. D'accord. Et du coup, voilà, ça représente des gugus qui dansent, hein, qui sont en action comme ça. Donc bon, après, on peut voir ce qu'on veut sur le visuel. C'est ça qui est cool. Bah là, moi, je vois une souris, vous voyez, ça, c'est là, c'est la tête. Faut l'acheter, faut que vous l'ayez en main, les auditeurs, hein, parce que sinon, ce que je raconte, c'est n'importe quoi. du coup, la feuille, elle est pas sur le graphique. La feuille n'est pas sur... Elle est dans la tête. Elle est dans la tête, exactement. Ouais. Exactement. Pourquoi feuille ? C'est un petit clin d'œil à notre ingé son qui s'appelle Feuille. Alors l'ingé son, enfin, c'était dans le local professionnel d'Antoine, c'est ça ? On a fait l'album dans mon studio. Voilà. On a fait l'EP dans le studio. Du coup, Paul était là aussi. Paul est souvent là pour les concerts quand on doit être sonorisé. Du coup, c'est notre ingé son qui nous suit pendant les lives. Et sur un titre, il y a une grosse ambiance au milieu du morceau et on lui a demandé en fait de faire un petit peu de sound design, un petit peu de bruit. Donc voilà, il a pris pas mal d'objets métalliques et il s'est amusé à enregistrer pas mal de choses. Qu'on entendra tout à l'heure. Dans Effectivement. Radar. Exactement. Là, j'ai vu, c'est carrément, on a l'impression que c'est des compteurs à gaz qu'il y a au sol, mais pas du tout, c'est pour les boucles. Ah oui, ouais, il y en a combien ? Plein d'effets. Oui, il y en a pas mal, une dizaine. Une dizaine, ça permet de faire plein de choses seulement avec une guitare, quoi. Effectivement. Il y en a un qui est debout et l'autre qui est carrément assis, puisque avec tes deux mains, tu peux jouer du clavier. Enfin, l'avantage, c'est que la note, elle peut rester pendant un certain temps. Mm-hmm. Et de l'autre, la batterie. La batterie, c'est ça. J'ai le clavier en fait à ma gauche qui permet d'envoyer des bonnes basses. Mm-hmm. Et du coup, voilà, ça dépend des morceaux. Des fois, je vais jouer la batterie plus le synthé. Des fois, je vais juste balancer des notes de synthé, ce qui me permet d'avoir les mains libres pour la batterie. Et voilà, ça donne une petite touche en plus et ça évite d'avoir un troisième membre dans le groupe. Et en parlant de troisième membre, il n'y aura jamais de voix sur la musique. Le projet, c'est carrément de la musique instrumentale. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin et on est bien comme ça. Quand on trouvera quelque chose d'intéressant à faire avec la voix, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, on est vraiment très dans l'univers musical et les ambiances que ça peut donner, l'énergie rock, électro, un peu. Et Royal. C'est pas évident à dire Royal. Vous avez joué Cronde ? On a dû jouer Cronde sur ce concert-là, ouais. On la joue généralement à la fin, celle-ci. Là, on l'a mis au début, mais généralement, c'est souvent en fin de concert. Et les gens vous disent quoi ? Enfin, les spectateurs, ils vous parlent de quoi ? Qu'est-ce qui leur est passé dans la tête aux spectateurs à ce moment-là ? Au moment de Cronde, je ne sais pas, il y en a qui aiment beaucoup. Hein. En fait, c'est vraiment des titres qui invitent vraiment au voyage. Hein. Mm-hmm. C'est des ambiances, chacun fait son interprétation. C'est très ouvert, quoi. De manière globale, les gens en fin de concert viennent nous voir en nous disant qu'ils ont capté le message musical et le voyage qu'on voulait faire paraître dans la musique. Là, tu fermes les yeux et puis tu as moyen de partir un petit peu en voyage. Ouais. On revient un petit peu aux années 70, la période psyché. Il peut avoir un côté un peu à l'ancienne sur certaines parties psyché, mais il y a quand même un son très, très moderne. Il y a le côté rock qui peut être un petit peu à l'ancienne, un peu vintage, et le côté électro. Je l'ai énervé là. Ah non, pas du tout. J'adore le côté vintage. On nous le fait dire. Il y a pas mal de gens qui viennent nous voir. Alors, plutôt des gens qui ont au-dessus de la quarantaine. Merci. Cinquantaine. Merci. Je l'ai énervé, je crois. qui viennent nous voir, qui nous disent ça fait penser à Pink Floyd à des moments et tout. Mm-hmm. C'est marrant, quoi. Il y a plein de. Tout le monde ressent la musique à sa manière et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Royal, vous aviez joué le premier album, le deuxième, les deux. C'était quand le Royal? C'était quand le Royal, Yannick? C'était le 14 février. Ah mais oui, exactement. 2019. Oui, on avait joué, on fait le set qu'on fait d'habitude, donc il y a des morceaux de l'ancien et du premier, quoi. Et le 1er mai 2017, c'est qui? 1er mai 2017, c'est notre premier concert, en fait, et c'est là où on a sorti le premier EP, du coup, qui s'appelle Trap. C'était où? Le premier concert, c'était à Quingé. À Quingé, oui. C'était pour des potes qui avaient organisé un petit tremplin et nous ont dit ouais, venez jouer et tout. Un tremplin pour le festival Bulle. Ouais, c'est ça. Un petit festoche à Quingé, près de Besançon. Alors pour ceux qui, par rapport au Royal, c'est que les vidéos, on les retrouve sur la chaîne YouTube et les vidéos ont été tournées au Royal. Il y a une vidéo de ce concert-là. On va s'écouter Radar. C'est parti. Talent d'ici, avec David Ménard. Avec également RCF, que vous connaissez, RCN, Fadjet, ce sont les radios sur lesquelles on diffuse Talent d'ici, Radio Aria, RDM, RCM et RGM, elles se reconnaîtront. Et ça vous donne cette raison supplémentaire d'écouter Talent d'ici. Aya est actuellement dans notre studio. Moi, je voyais plein d'images psychédéliques quand j'entendais ce titre. C'est un peu voulu, forcément. C'est un peu le but, effectivement. Effectivement. Chacun se crée son propre voyage, finalement, en écoutant les sons. Et vous vous en parlez avant, justement, des images que vous avez en tête ou pas du tout? Pas forcément, non. C'est plus en termes d'énergie, quoi, et d'ambiance qu'on veut créer sonore. Comment ça se crée un titre comme ça? C'est on teste des trucs avec les effets, on teste des sons, on joue et puis on garde ce qui nous plaît, quoi. Ouais. De base, ça part d'improvisation. On va tester pas mal de choses. On enregistre à la maison pendant un bon moment. On va jouer pendant un bon moment et puis ensuite on va tout réécouter. On va dire voilà, ça on va le garder, c'est intéressant. On essaie de faire des bonnes transitions et de faire de rajouts par la suite. Par rapport au titre qu'on a entendu tout à l'heure, la démarche est différente pour le titre? Parce que là, ce qu'on vient d'écouter, c'est radicalement différent du premier titre. C'est complètement différent. C'est différent, ouais. Ouais, tous les titres sont un peu différents. Mm-hmm. Enfin, c'est ça. Le but du truc, c'est de ne pas s'ennuyer non plus et de toujours s'amuser et tester des trucs nouveaux, quoi. Est-ce que vous avez essayé de contacter, je vous le dis, quand c'est de la musique instrumentale, des personnes qui voudraient de la musique pour leur documentaire ou... On est signé dans une boîte d'édition à Paris. Comment Pigalle, ça vous êtes signé? Pigalle Productions, ouais, on a signé un contrat d'édition. Ah, ouais. Pia qui a fait... fait de la musique pour des films, la télé. Ouais, mais il y avait Murat qui avait joué pour eux, donc entre autres. Donc voilà, c'est quoi. Possible. Donc on n'est pas encore passé à la télé ou quoi, mais peut-être. Hein. C'est en projet. À voir par la suite, ça peut quelque chose qui peut être réalisé. Ouais. Et parce que là, il n'y a pas que la vidéo royale, il y a quoi sur la chaîne YouTube? Il y a pas mal de vidéos, de live essentiellement. On peut retrouver aussi le premier EP et le second, du coup. Et oui, il y a des lives du Chant des Pierres. Il doit y avoir peut-être 4 vidéos live. D'accord. On est en concert et on est en train de voir pour la réalisation d'un clip prochainement. On croise les doigts. Là, on est un peu sur... On cherche des idées. Quelque chose qui peut bien correspondre au son, à l'EP, et trouver les bonnes personnes avec qui le faire et le faire. Donc là, il n'y a pas de parole, mais par contre, il y aura des images. Dans le clip, il y aura forcément de l'image. Alors après, qu'est-ce que pour une vidéo, c'est mieux. Alors après, quoi mettre dedans, c'est encore ce qu'on est en train de voir pour le moment. Ce sera peut-être nous sur le clip, c'est la surprise. Et on saura ça aussi sur la page Facebook. Tout sera annoncé, tout. On annonce tout. Et si on allait s'installer, enfin pas moi, mais Yannick et Antoine. Avec grand plaisir. Aya, dans notre studio pour le live, je vous laisse vous installer. Et on va s'écouter quoi d'ailleurs, vous le savez? Qu'est-ce qu'on va jouer? Prends la page. On a la liste hein, sous les yeux. Oui, on a Jabo. Kayak, donc ça c'est les morceaux du premier EP. Alors Jabo et Kayak, vous remarquerez que les titres, c'est pas dur de les retenir, ouais. Dans l'ordre. Jabo et Kayak, c'est un tiré du premier EP, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les ça. Titres du premier EP. Ouais. Allez vous installer, il y a dans Talent d'ici le live. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Thank you. talents d'ici avec les radios associatives de Lorraine. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talents d'ici. Avec Talents d'ici et Aya pour cette semaine. Kayak, c'était il y a quelques instants, et Jabot, ça vous sort d'où les titres que l'on vient d'écouter? Pas le morceau en lui-même, mais le titre. Le titre. Jabot, c'est une petite dédicace à un bon ami qui... qui est très dynamique, qu'on aime beaucoup et qui a une personnalité très, très marquée, qu'on adore. Et du coup, on s'est dit, on va faire un morceau, on va c'est le nommer. Moi. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi. Non, c'est des petits clins d'œil, ouais, comme ça. Petit clin d'œil, petit clin d'œil aux copains ou à des personnes qu'on apprécie. Et kayak. Kayak, c'est le fait que ce soit un palindrome qui nous plaît beaucoup. C'est vrai. Ouais, ça veut dire que ça signe dans deux sens. Comme Aya. Comme Laval. Aya. Comme la ville de Laval. Ouais, voilà. Effectivement. Et Trappes, c'est une ville aussi. Eh bah, ben oui, c'est vrai. Trappes, c'est une ville. C'est aussi une bière. C'est aussi une bière. Ah, c'est vrai. Mais Trappes, je crois que ça prend un S à Paris, hein, il me semble. Donc, Trappes, c'est le nom du premier EP qui est sorti il y a deux ans. Le premier EP, exactement. Et magnifique. On peut d'ailleurs, pour ce qui est de l'illustration, moi, je pense un petit peu à l'Afrique quand je vois ça, avec un Africain qui a faim. C'est un peu ça. L'illustration qui est de Gladys Morel, une bonne amie. Elle est... C'est pour ça que vous ne l'avez pas reprise pour la deuxième EP. Eh ben, on fait tourner, on change, on met plusieurs personnes sur le projet. D'accord. Et on la salue. On la salue. Bisous Gladys. Elle est où? Sur Nancy. Sur Strasbourg. Strasbourg. Ah, bah, c'est pas pareil. C'est effectivement. Pas pareil. Ce qu'on va écouter dans un instant, oui, ce sont trois titres. Alors on va les reprendre effectivement. Alors c'est Pascal et Marie-Françoise, c'est qui? C'est des parents d'amis, ouais. Pareil, attends, hein. C'est les parents de Gladys. Exactement. Pascal et Marie-Françoise. Ah, tu vas tout savoir. C'est des parents d'amis qu'on apprécie bien, on les voit souvent et, et pareil, on voulait faire un petit clin d'œil et ils étaient contents. Et vous les voyez de bonne heure. Exactement. Exactement. Ah, d'où le titre. Bonheur. Exactement, oui. Vous n'avez pas voulu signer Bonheur, mais Bonne Heure, c'est ça? Bonheur, oui, c'est un petit jeu de mots. Le titre inspire à la gaieté et la joie de vivre. Et on était à l'heure qu'on a enregistré le titre. Moi, je sens que c'est un bordel frais. Exactement, bien joué. Jeu de mots. Oui. Excellent. Là aussi, bordel frais, c'est un ami, c'est quoi? Oui, ouais. Alors, bordel frais, c'est une amie, effectivement, qui est... Ah bah oui, ah bah tout se base de délire, hein, de soirée avec les copains ou autre. Et c'était une amie qui était dehors, elle rentre dans la maison, elle dit « Ah, je me suis pris un bon bordel frais » au lieu de dire « un bol d'air frais », voilà. D'accord. Et on s'est marré, voilà, simplement. Elle est dyslexique. C'est ça, dyslexie marrante. Non, elle n'est pas dyslexique, c'était peut-être un peu trop de bière. En parlant de bière, vous allez vous mettre en scène. Mettre en bière, non c'est pas grave. Aya qui va s'installer pour la suite du live. L'EP, on peut l'avoir à la fin des concerts, les deux d'ailleurs. Exactement, ouais, les deux, ou alors vous écrivez un mail. Effectivement, il y a un site. Sur la page Facebook essentiellement, ouais. Allez vous installer les enfants, on s'écoute les trois titres suivants qu'on vient de rappeler effectivement il y a quelques instants. Pascal et Marie-Françoise, Bonne Heure et Bordel Frais avec Aya. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talents d'ici. Talent d'ici, avec David Ménard. C'est pas moi, c'est eux. Aya, avec les initiales d'Antoine et de Yannick. Exactement. Yannick Muller et Antoine Kamal. Exactement. Effectivement, Daïcourt. Ce sont des Aïe Courtois. C'est beau quand même. 100%. C'est joli, oui, oui, oui. On adore. Comment s'appelle le maire? C'est une mère d'ailleurs. C'est une très bonne question. C'est pas grave. Désolé, monsieur le maire Daïcourt. Venez à nos concerts, on pourra en parler. Ok, parce que vous êtes en âge de voter quand même. Oui, oui, bien sûr. Effectivement. Et l'album, c'est pour quand? Ouh là là, ouais. Faut déjà que. Mais je pense qu'on est plus sur des formats EP, 5 titres. Déjà, un album, c'est... Donc le prochain projet sur les visionnages de la chaîne YouTube, ce sera le fameux clip. Ça sera sûrement le clip, peut-être, il peut y avoir d'autres choses. On fait aussi en fonction de ce qui se passe, de l'aventure du groupe, on peut balancer des choses un peu à droite à gauche. Encore une fois, tout est sur le Facebook du groupe. Il y a peut-être des dates qui vont arriver dans les semaines à venir, dans les mois à venir, donc n'hésitez pas à aller voir les informations sur Qu'est-ce Internet. Qu'il parle bien. Il parle bien, mais le problème, c'est qu'il y a un petit son là qui arrive qui nous dit que c'est la fin de l'émission. Ah. Alors, salut. Non, c'est fini. Merci Antoine pour la partie technique et pour ce son magnifique du live que vous venez d'écouter. Merci Antoine. Aya, A-Y-Y-A, ben oui Antoine, tu le mérites, il faut le dire. Et, en plus, ils sont propres, ils sont nets. Ils boivent pas d'alcool, non. Ils fument pas. On est très sains. Voilà. Ils ne mangent pas non plus, c'est important pour les prochaines dates. Que de la musique. Que de la musique à fond. Et à bientôt, c'était Aya et l'émission Merci est podcastée. Vous, hein. Donc ça veut dire qu'on l'écoute jusqu'au bout du monde. Merci David. Merci à vous. Ciao. C'était Talent d'ici.